Le spectacle de la bande d'orchestre Samdiyun de la troupe artistique Mansudin, consacré au 107e anniversaire de la Journée internationale des femmes 8 mars, s'est déroulé mercredi au Grand Théâtre de Pyongyang-Est. Y ont assisté Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti Travail de Corée, les officiels intéressés, les femmes cadres, travailleuses et membres de l'Union des femmes de la ville de Pyongyang. Commencé par le prélude « La femme est la fleur », le spectacle a mis sur la scène le quintet vocal féminin, le chant des femmes, l'ensemble vocal d'une famille, nous l'appelons père, le sextuor vocal mixte, le peuple appelle son cher nom, et d'autres numéros variés.